Tout un monde. Marie-Hélène Fraissé. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour, aujourd'hui nous regardons du côté du bon sauvage dont nous faisons la généalogie, ou en tout cas la généalogie de cette idée, à travers les récits des voyageurs et les réflexions des philosophes, notamment Rousseau, que l'on fête cette année, c'est son tricentenaire, nul ne saurait l'ignorer. Ils sont beaux, ils sont nus et ils semblent en parfaite harmonie avec le milieu naturel dans lequel ils vivent. Leur bonté, leur hospitalité n'ont d'égal que leur insouciance. Tels sont les traits sous lesquels les voyageurs ont souvent décrit les insulaires du Pacifique et avant eux les habitants des Bahamas, on pense en l'occurrence à Christophe Colomb, ou encore les habitants de l'Amazonie. D'où, et cela ne date pas du temps des Lumières, l'idée du bon sauvage, le fantasme d'une humanité heureuse, non encore touchée, souillée par l'esprit de domination et la vanité. Un monde enfant, dira Montaigne, un état de nature, dira Rousseau deux siècles plus tard. Rousseau qu'on honore donc pour ses 300 ans et qui fut un grand lecteur de tous les récits de voyage et de découvertes dont son époque était friande. Rousseau qui s'en inspira. Le monde s'ouvrait, il révélait des variantes infinies dans la façon dont l'humanité régissait son rapport au monde et de là à en tirer des conclusions parfois hâtives ou naïves, il n'y avait qu'un pas, lequel fut souvent allègrement franchi. Dans l'heure qui vient, nous revisitons donc autour de Rousseau, avant et après lui, ce courant de pensée optimiste et parfois naïf, même si Rousseau lui-même est tout sauf naïf, comme y insistera sûrement Jean-Luc Guichet, philosophe, qui est avec nous en compagnie de Franck Lestringant, spécialiste de la littérature de voyage de la Renaissance, et en compagnie de l'américaniste Lionel Larré, qui est avec nous en duplex de Bordeaux. Voilà, avec ce petit extrait du Devin de Village, nous voilà du côté de Rousseau, mais on va être aussi avant et après pour parler donc de ce bon sauvage, une notion d'ailleurs que Rousseau n'a pas lui-même définie ou reprise à son compte. Bonjour Jean-Luc Guichet. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'IUFM de Beauvais et vous avez publié deux livres parmi beaucoup d'autres, où il est question donc de cette analyse que peut faire Rousseau à certains moments de son travail et de réflexion du bon sauvage. Donc Rousseau, l'animal et l'homme, qui est paru il y a quelques années, et puis Problématiques animales, théorie de la connaissance, anthropologie, éthique et droit, puisque la réflexion de Rousseau donc sur l'état de nature a beaucoup de rapport avec sa réflexion sur l'animalité. Alors je disais, il n'est pas naïf, et vous y insistez. Oui, absolument. C'est une approche qui, justement, échappe à ce qu'on a appelé le primitivisme, c'est-à-dire un courant qui s'est développé à la Renaissance très, très fortement, en lien d'ailleurs avec des sources antiques également, hein, comme il convient bien sûr à cette période de la Renaissance. Il y a eu à cette époque, dont Franck Lestringant est spécialiste et dont il parlera évidemment beaucoup mieux que moi, tout un investissement émotionnel très, très fort dans cette rencontre, dans ce choc de l'altérité qui a fait événement, puisque c'était une nouvelle humanité. Que rencontrait une humanité qui, sous la loi de la parole biblique, s'était crue la seule jusqu'à présent. Alors, à l'époque de Rousseau, au XVIIIe siècle, il faut d'abord le situer en son temps, les choses sont beaucoup plus intégrées. ce n'est plus le choc de l'événement. Est venu le temps de la réflexion philosophique marquée et donc le détachement de certains investissements initiaux. Rousseau est vraiment à une période charnière, une période de transition entre, d'une part, donc, cette passionnante histoire de la Renaissance où il y a donc un surinvestissement. Et le choc de la découverte. Oui. Le choc de la découverte, absolument. Et puis, donc, la fondation scientifique de l'anthropologie au XIXe siècle. Il est entre les deux. Ce qui fait qu'il va rationaliser cette figure du sauvage. Alors, comme il est entre les deux, justement, on va parler de la Renaissance d'abord avec vous, Franck Lestringant, tout à l'heure. Donc, vous regardez de très près ces récits de voyage. Vous êtes un spécialiste de TV. Vous êtes professeur de littérature française à Paris 4 et vous avez regardé Le Brésil d'André Tévé, une étrange aventure, puisqu'il s'agit d'une espèce de tentative de colonisation française qu'on a appelée la France Antarctique. Et Tévé, qui va être une sorte d'observateur, de philosophe, regarde tout ça de très près et tire des conclusions très précises sur les sauvages, ces fameux sauvages. Alors, c'est un franciscain au départ, c'est un homme d'église, mais qui va devenir cosmographe du roi, c'est-à-dire géographe des rois de France, des derniers Valois. Et il ramène de son voyage un très bref séjour au Brésil, 10 semaines, pas plus, en compagnie de Villegagnon. Il ramène un livre, il rapporte un livre qui s'appelle Les singularités de la France antarctique, dans lequel il compile diverses sources. Et surtout, il s'ingénie à mettre en rapport le savoir des anciens et puis ce qu'il a découvert, ce que les Français ont découvert là-bas, c'est-à-dire un peuple nu, anthropophage, mais considéré plutôt favorablement. Il s'agit des Tupinambas qui habitent à ce moment-là le littoral du Brésil. Alors justement, ce qui va nous intéresser, on va y revenir tout à l'heure, Franck Lestringant, c'est cette espèce de schizophrénie qu'on va constater chez beaucoup de voyageurs de la Renaissance, pas seulement Tévé, c'est-à-dire à la fois les sauvages sont merveilleux, ils sont doux, ils sont gentils, mais c'est quand même ennuyeux parce qu'ils mangent leurs semblables. Et alors, il y a une espèce comme ça de stupeur, sont-ils bons, sont-ils méchants, et une stupeur dont on ne fait jamais la synthèse. Non, la question n'est pas résolue, et il y a plusieurs modèles qui sont des modèles antithétiques, comme on l'a dit, il y a des modèles antiques et ces modèles antiques ne sont pas simples. D'un côté, on a l'âge d'or, on a effectivement cette humanité primitive, entre guillemets, qui vit selon la nature et donc qui vit heureuse. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'en face du primitivisme, ou ce qu'on appelle le primitivisme doux, il y a le primitivisme dur, c'est-à-dire une hypothèse absolument contradictoire qui est illustrée notamment par l'épicurisme et par Lucrèce dans les Rerum Natura, et qui imagine une humanité primitive, extrêmement exposée aux intempéries, aux différents accidents et malheureuse. Et cette humanité, qui aurait donc une enfance difficile, serait parvenue à force d'efforts, d'ingéniosité, d'invention, à un statut plus heureux. Donc on a deux schémas absolument antithétiques. D'une part, une humanité, un rêve rétrospectif d'une humanité heureuse comme un enfant au giron de sa mère nourrice, hein, comme dit Montaigne. Et de l'autre, au contraire, une humanité dépourvue de tout. Hein. La nudité peut signifier deux choses, ou bien l'innocence, ou bien au contraire le dénuement. Alors, on va continuer du côté des Amériques tout à l'heure avec Lionel Larré, puisque les Amériques, et en particulier l'Amérique du Nord, dont Lionel Larré est spécialiste, semblent avoir recueilli beaucoup d'hypothèses, avoir été l'objet de beaucoup de conclusions et de beaucoup de récits de voyage. Lionel Larré, bonjour, vous êtes avec nous depuis Bordeaux, puisque vous enseignez à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes là-bas maître de conférence et vous êtes spécialiste de littérature et d'histoire amérindienne. Alors, vous avez dirigé un ouvrage qui est très précieux justement pour la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, celle du bon sauvage, c'est La fabrique du sauvage aux presses universitaires de Bordeaux. C'est paru en 2009 et on voit bien ce balancement en Amérique face aux Amérindiens. Ils sont atroces, ils sont méchants, ils sont cruels et en même temps, dans d'autres versions, sous d'autres regards, ils apparaissent comme le noble, merveilleux sauvage dans l'état de nature. Oui, tout à fait. Et c'est parfois même le même regard qui va représenter les mêmes sauvages, entre guillemets, soit comme nobles ou comme ignobles. Et en général, ces différentes représentations dépendent des circonstances. Donc quand les relations avec les Indiens se passent bien, qu'ils acceptent de commercer, voire de nourrir les colons, ce sauvage est noble. Et là, on a un accent sur la vie heureuse en harmonie avec la nature qu'il mène. En revanche, quand les clashs surgissent, évidemment, le sauvage va devenir ignoble. Alors on va se demander si d'ailleurs cette espèce de schizophrénie ne dure pas jusqu'à aujourd'hui. En fin d'émission, c'est l'ultime question qu'on se posera. Très bien. Généalogie du bon sauvage. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Alors on commence ce voyage dans le temps et dans l'espace avec vous, Franck Lestringant, puisque vous connaissez les récits de voyage de la Renaissance et notamment ceux qui concernent l'Amérique, ce continent imprévu sur lequel on va trouver des hommes souvent dans l'état d'une parfaite nudité et d'une vie tribale. C'est le tout premier contact de Colomb. D'ailleurs, les premiers mots qu'utilise Colomb, c'est pour dire la beauté des hommes qu'il découvre dans l'île de Guanahani aux Bahamas. Ils sont nus, ils ont des cheveux luisants, ils sont accueillants, hospitaliers et ils ont l'air très heureux. Donc on commence sur cette tonalité-là. Oui, c'est le paradis. Il faut dire que Colomb débarque aux Bahamas. Hein, il commence par les Bahamas, ensuite il va aller dans les Grandes Antilles. Donc il rencontre des peuples nus. Ce qui le surprend aussi, c'est que ces peuples ne sont pas noirs. Hein. Il pensait donc à des Africains, vu la latitude extrêmement chaude. Donc on pensait que c'était la latitude qui provoquait la couleur de la peau. Voilà, on pensait que c'est le climat qui déterminait la couleur de la peau. Donc on est dans un climat tropical et on a des peuples nus qui sont blancs, ou du moins qui sont clairs, donc proches finalement des Espagnols eux-mêmes. Mais ils vivent nus, ils n'ont pas le sentiment de la faute. Ça, c'est un point évidemment important. Ils ne paraissent pas avoir de pudeur naturelle. Hein, donc, ils ne semblent pas être dépendants du péché originel. Hein. C'est une grande question qui va surgir. Est-ce que ces peuples sont des descendants d'Adam ? Enfin, la question surgira plus tard, parce que pour le moment, au XVIe siècle, elle est peu discutée, hein, parce que ça remettrait en cause, évidemment, le dogme de l'unité du genre humain et, par conséquent, le dogme de la révélation universelle. Hein, s'il y a plusieurs humanités, à ce moment-là, ça met en péril la religion chrétienne. Et on va voir que le débat va apparaître à la fin du XVIe siècle et rebondir au siècle des Lumières, évidemment, avec la théorie du polygénisme. Oui, mais pour le moment, Colomb lui-même n'est pas un théologien, enfin, non. N'est pas... Donc il ne va pas porter un avis sur l'humanité ou la non-humanité de ces hommes. Ça viendra plus tard. Mais ce que dit Colomb, quand même, qui est très inquiétant, c'est qu'une fois qu'il a dit qu'ils sont nus, innocents, très gentils, accueillants, il dit qu'ils sont tellement gentils qu'ils seront faciles à exploiter, en quelque sorte. Voilà. Donc là, on va pointer le méchant impérialiste. Oui, et puis il y a un incident tout à fait stupéfiant, c'est qu'un Indien empoigne une épée, hein, une épée que porte un Espagnol, et il se coupe, évidemment, parce qu'il n'avait jamais eu connaissance d'un métal si dur. Hein, il ne connaissait pas la fonte du fer. Et donc, ça prouve l'état d'innocence. Hein, ils ne connaissent pas ni les armes à feu, ni même les armes métalliques. Et ça prouve donc leur innocence et un peu aussi leur bêtise. Alors, effectivement, innocence, c'est bien, mais la bêtise, ça permettra effectivement de les tromper, de les exploiter, et Colomb ne manquera pas de le faire assez rapidement. Alors, cette tonalité d'émerveillement, on la retrouve chez beaucoup de voyageurs et chez un certain nombre de philosophes. C'est ce qu'on trouve chez Montaigne. Il parle d'un monde enfant. Alors, Montaigne a une pensée très complexe, et Montaigne, évidemment, a lu les relations des contemporains, notamment Jean de Léry, hein, l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, dont Lévi-Strauss dira plus tard que c'est le bréviaire de l'ethnologue. Il a lu certainement André Thévet, il a lu les Espagnols, hein, Lopez de Gomara, mais il a lu aussi les Latins et les Grecs. Et donc, il voit les Brésiliens, qu'il connaît bien, et il dit qu'il a eu chez lui un truchement, enfin, un Français qui a séjourné 12 ou 13 ans au Brésil, ce qui n'est pas du tout invraisemblable. Et il a donc cette expérience indirecte du Brésil, mais il la considère à travers les lunettes des anciens, et notamment des poètes, hein, comme Ovide ou Virgile, qui avaient peint les quatre âges de l'humanité, notamment l'âge d'or, hein, qui est le premier des quatre âges, et à partir duquel une décadence serait en suivie. Et puis, il voit aussi ces Indiens à la lumière des philosophes comme Platon, hein, qui, dans les lois ou dans la République, ont imaginé la société idéale. Donc, pour Montaigne, finalement, le Brésil des Tupinambas, ceux qu'il appelle les cannibales dans le chapitre célèbre des essais, ces Indiens sont un peu l'occasion de mettre à l'épreuve des idées ou des représentations qui viennent en réalité de l'Antiquité. Hein, chez Montaigne, c'est pas seulement, il n'y a pas seulement une altérité simple, c'est une altérité double, on pourrait dire, ou triangulaire. Hein, y a trois termes. Il y a les modernes que nous sommes, qui représentons une sorte de décadence par rapport à la fois à l'Antiquité, hein, qui est le grand modèle de Montaigne, et le monde sauvage, qui, à certains égards, est bien digne de l'Antiquité. Hein. Donc c'est une façon de vérifier, au fond, des théories préalables. Et c'est quelque bien chose antérieure à la découverte de l'Amérique, effectivement. Voilà. On a l'impression qu'on peut-être pas les voyageurs eux-mêmes qui sont dans l'action, mais ceux qui lisent les récits de voyage et qui commencent à extrapoler, au fond, perçoivent ces découvertes comme une manière, non pas d'être confrontés à l'imprévu, mais une manière de vérifier les idées qu'on avait avant. Oui, c'est quand même un petit peu, comment dire, limitant comme approche. Oui et non. Alors, c'est vrai que Montaigne... Ce livre a ce qu'on pourrait appeler une expérience de pensée. Hein. Une expérience de pensée, c'est-à-dire que le spectacle des cannibales, ou ce qu'il en lit, et ce qu'il en apprend par son truchement, qui est domestique chez lui, ça lui permet d'infirmer ou de confirmer les dires des anciens. Hein. Et il retrouve donc... à l'état d'expérience, hein, c'est ça qu'il insiste là-dessus, l'expérience de nous autres modernes, finalement, surpasse hein, ce que les anciens avaient seulement imaginé et dans leur poésie et dans leur traité philosophique. Hein. Et il le dit dans un passage célèbre, hein, c'est une nation, dirais-je à Platon, hein, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de l'être, nulle science de nombre. Hein. Cette formule négative, elle prend place à l'intérieur d'un dialogue imaginaire avec Platon, où finalement on s'aperçoit que les sauvages, entre guillemets, enfin, mais Montaigne ne leur donne pas le nom de sauvage, il conteste le terme même de sauvage, eh bien, ces peuples, ces gens, comme il dit, surpassent hein, dans leur vie, dans leur institution, dans leur société, les plus beaux rêves de société idéale qu'ont pu concevoir les anciens et les Grecs notamment. Alors, est-ce que c'est limitant ? Oui et non. Ce qui est compliqué chez Montaigne, c'est qu'il n'enferme pas les Indiens du Brésil à l'intérieur de ce schéma. Il donne le schéma au début du chapitre et ensuite, comme s'il n'avait rien dit, il décrit minutieusement la culture matérielle de ces Toupinambas. Il parle de leur hamac, de la façon de tisser, la façon de se faire des tatouages, la façon de boire, de fumer le tabac, de faire la guerre, etc. Et on s'aperçoit quand on lit le chapitre qu'après qu'il a dit dans un premier temps qu'il n'avait aucune des techniques que possèdent les autres humains, et notamment les civilisés, on s'aperçoit finalement que ces Indiens ne sont pas si rustres, si frustes que cela, et qu'ils possèdent une véritable culture. Donc il y a chez Montaigne des contradictions, mais qui font qu'ils ne s'enferment pas à l'intérieur d'un schéma. C'est ça la complication de Montaigne. Hein. Et Rousseau paraît simple à côté. Alors justement, comment est-ce qu'on va pouvoir introduire chez ce bon sauvage, entre guillemets, les pratiques anthropophagiques, qui sont également constatées ? Oui. Au même moment et par les mêmes chroniqueurs, voyageurs. Alors, le bon sauvage, d'ailleurs, le terme de bon sauvage, je crois qu'il faudrait le questionner au départ, parce que un de mes amis, Giuliano Liozzi, disait que c'était une invention de l'histoire de l'anthropologie, qu'il n'y avait pas eu de bon sauvage. Bon, il exagérait peut-être un peu. A posteriori. Voilà. Ouais. C'est au 19e siècle surtout qu'on a retracé et inventé ce mythe du bon sauvage. C'est vrai qu'on peut le repérer ici et là, mais comme vous l'avez dit au début, ce sauvage n'est jamais vu simplement. Hein. Il n'est jamais vu de façon simpliste, il est vu de façon contradictoire, et les textes même sont contradictoires, hein, on l'a dit. Donc, effectivement, d'un côté, il paraît heureux, il vit en société, il ne connaît pas le tien ni le mien, il ne connaît pas la propriété privée, et il paraît dénué de toutes les passions, exempt de toutes les passions qui raccourcissent notre vie. Rousseau le dira, mais déjà Jean de Léry le dit dans l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, Montaigne le dit à son tour. Donc il n'a pas ces passions artificielles, ces vaines passions que le progrès matériel a développées, hein, mais... Il connaît la haine, il connaît la vengeance et il connaît la guerre. Alors Montaigne parle à ce propos de maladies humaines, mais ces guerres, Montaigne les innocente pas tout à fait, mais il les excuse presque en disant qu'ils ne font pas la guerre pour une propriété matérielle, pour accroître leur territoire, mais uniquement pour montrer en quelque sorte leur mépris de la mort et leur vertu. Donc cette guerre, elle a des mobiles beaucoup plus élevés que les guerres modernes, que les guerres que nous menons entre nations prétendument civilisées. Et alors ce qui est piquant, c'est que la question du cannibalisme, de l'anthropophagie, enfin, qui horrifie quand même un tout petit peu les voyageurs, elle va être reliée à cette époque, qui est l'époque de la Réforme, à la question de l'Eucharistie. Oui, alors cette anthropophagie, alors, dans les textes français, notamment ceux de Thévet, de Léry et ensuite de Montaigne, alors d'abord, elle est tournée du côté du symbolisme. Pour ces trois auteurs et pour d'autres, ce n'est pas tellement le fait de manger de la chair humaine qui apparaît important, c'est la signification attachée à cet acte. Donc l'acte est sans doute barbare, mais comme dit Montaigne, il signifie une extrême vengeance. Donc on passe tout de suite au plan symbolique, et Montaigne, et comme Léry aussi avant lui, ont bien compris qu'il s'agissait d'un acte symbolique, hein, et qu'il s'agissait en quelque sorte de venger ou bien de s'approprier le corps d'autrui, le corps de l'ennemi, hein, qu'on fait sien, qu'on s'approprie, et l'ennemi du reste est intégré à la tribu de cette manière-là. Hein. Et puis la tribu ennemie va ensuite manger le mangeur. Hein. Il y a une sorte de circulation comme ça entre groupes ennemis. Donc il y a une attention très grande d'emblée portée au symbolisme anthropophagique. Et naturellement, surgit le parallèle inévitable avec la religion chrétienne. Et d'autant que pendant les guerres de religion, comme vous l'avez dit, le grand débat entre protestants et catholiques, ou plutôt entre calvinistes et catholiques en France du moins, c'est la question eucharistique. Contre les catholiques qui prétendent donc manger et consommer substantiellement, en substance, donc le corps et le sang du Christ, les calvinistes affirment qu'il ne s'agit que d'un symbole. Et que quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il a voulu dire en fait « ceci signifie mon corps ». Donc c'est la grande question qui est débattue dans ces années 1560. Et juste avant, l'expérience française du Brésil, avec la France antarctique de Villegagnon, en 1555-1560, apparaît un peu comme une répétition générale. Donc au contact des cannibales, au contact des vrais anthropophages, on fait l'épreuve de ces idées. On fait l'épreuve de cette querelle théologique qui va être un des facteurs, d'ailleurs, de dissolution de la colonie. C'est une chose assez extraordinaire, cette rencontre entre les guerres de religion et puis le cannibalisme réel des Tupinambas. Généalogie du bon sauvage. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous étions donc parmi les voyageurs de la Renaissance avec vous, Franck Lestringant. Et on va continuer un petit peu à la Renaissance, mais commencer à avancer dans le temps pour nous poser une question que se sont posées les voyageurs. C'est ces hommes que nous rencontrons au bout du monde, dans ces îles, qui ont l'air si heureux pour certains. Sont-ils de véritables hommes ou ont-ils quelque chose à voir avec l'animalité? Alors là, j'introduis dans notre débat donc Jean-Luc Guichet, philosophe, spécialiste de Rousseau, car cette question de l'animalité, vous l'avez regardée chez Rousseau, mais avant Rousseau aussi, et c'est la grande question qui est posée dans la controverse de Valladolid. Est-ce que ces hommes appartiennent à l'humanité? Comment se formule au départ cette question-là, Franck Lestringant? Jean-Luc Guichet, comment qui répond? Peut-être vous, Franck Lestringant, puisque vous la voyez apparaître dans votre monde à vous, qui est celui de la Renaissance. Oui, ils font partie de l'humanité, mais bon, la question de Valladolid, c'est pas tout à fait ça. C'est la question de savoir s'ils sont esclaves naturellement ou libres naturellement. Mais c'est ça à voir aussi avec une appartenance à l'humanité la plus élevée ou à une sorte d'humanité dégradée qui peut être mise en esclavage à bon droit. Quoi. Voilà. Alors au départ, on part des fils de Noé. Julien Giozzi a rappelé ça dans un grand livre qui s'appelle Adam et le Nouveau Monde. Il s'agit de rattacher ce peuple d'Amérique à l'un des fils de Noé. Mais lequel? Alors, si on choisit Japhet, bon, ce sera un peuple élu, comme les Européens. Si c'est Sem, ce seront les tribus perdues d'Israël. Et si c'est Cham, à ce moment-là, ce sera un peuple maudit. Et beaucoup des chroniqueurs, nombre de chroniqueurs, comme Gomara, mais aussi comme Jean de Léry, qui par ailleurs est très favorable à l'Indien du Brésil, optent pour l'hypothèse chamitique. C'est-à-dire, ce sont des descendants de Cham, le fils que Noé a maudit. Et donc, ces peuples seraient l'objet d'une malédiction particulière. Hein, et ça expliquerait qu'il n'est pas retenu ou pas reçu Alors la question se pose s'ils l'ont déjà reçu ou pas, mais qu'ils n'ont pas retenu le message évangélique. Parce que pour le reste, ce sont des hommes. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils appartiennent à l'humanité, mais à l'intérieur de cette humanité, comment se fait-il qu'ils soient dénués ? Alors dénués de biens matériels, ça peut être un bien si on considère cela d'un point de vue philosophique, mais comment se fait-il qu'ils soient dénués de l'annonce évangélique, qu'ils n'aient pas reçu le bénéfice du baptême ? Alors ça c'est une grande question. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa providence, a réservé ces peuples ou les a écartés du salut commun, ou bien attendu les temps les plus récents, les derniers temps, qui sont peut-être les derniers temps de l'humanité, puisqu'il y a un fort sentiment eschatologique aussi qui imprègne ces récits. Par exemple, Colomb est convaincu d'être un prophète et de vivre dans les derniers temps de l'humanité, Las Casas aussi. Cette pensée apparaît même chez Jean de Léry, qui est pourtant quelqu'un qui nous paraît beaucoup plus moderne. Donc comment se fait-il que ces peuples aient reçu un destin particulier ? Et à partir de là, évidemment, on va pouvoir extrapoler et puis dire, mais finalement, est-ce qu'ils sont aussi privilégiés que nous ? Est-ce qu'ils sont élus comme nous ? C'est la question que pose clairement Jean de Léry. Mais il ne met pas tout à fait en cause le fait qu'ils soient hommes comme vous et moi. Alors les deux sources auxquelles on puise pour éclairer ce débat, c'est d'une part l'Antiquité, d'autre part les sources bibliques. Bien sûr. Oui. Et on croise les deux, parce qu'on est à la Renaissance et qu'on croise les deux. Oui, et puis ces peuples offrent une image du paradis, enfin, et cette nature. Quand Léry décrit la nature du Brésil avec ses perroquets, ses ananas, ses arbres chargés de fruits et cette température perpétuellement douce, on pense évidemment au paradis. Alors cette question de la nature réelle de ces hommes qu'on vient de découvrir, avec lesquels on établit des rapports, elle va se développer, Jean-Luc Guichet, au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, elle va évoluer à la faveur aussi de l'évolution de la pensée sur l'animalité, telle que l'a définie par exemple Descartes. On va bouger en quelque sorte les repères. Oui, c'est sûr. Il va y avoir la grande césure cartésienne qui va redéfinir les termes du problème, de la question, et c'est de ce terrain que vont hériter les philosophes des Lumières pour aussi le critiquer. C'est-à-dire pour critiquer cette grande césure, précisément, qui n'était pas si absolue non plus chez Descartes, puisque l'homme est animal par son corps, par cette portion d'étendue qui lui est attachée, non pas de façon extérieure, mais insiste Descartes, qui n'est pas si dualiste qu'une certaine tradition trop caricaturale persiste toujours à le dire, qui est renforcée donc par l'union de l'âme et du corps, qui est une union, dit-il, qui est comme une troisième substance, tellement elle est intime. Donc il y a malgré tout une sorte de mélange concret qui fait l'existence humaine réelle, effective, même si on peut distinguer par l'intellect, l'âme et le corps. Donc il y a bien quand même cette portion d'animalité, d'où les passions. Bien sûr, il y a en même temps humanisation, puisque précisément il y a union de l'âme et du corps, il y a en même temps tout de suite humanisation. Mais il y a bien cette coefficient d'animalité malgré tout. Bon, les philosophes, au XVIIIe siècle, vont s'emparer donc de ce terrain, des matérialistes, d'un côté, qui héritent des libertins de la fin du XVIIe, les sciences naturelles, qui commencent de plus en plus à trouver des terrains expérimentaux et qui s'investissent de plus en plus dans la science du vivant. Donc, et puis la critique sociale, tous ces courants du XVIIIe, ce qui fait que c'est très complexe, vont investir cette question du sauvage. Chez Rousseau, il faut en parler, qui n'est pas si simple, et même, je crois, qui est extrêmement complexe. Il y a tout un travail de clarification qu'il opère, car il y a quelque chose de nouveau qu'il va ajouter sur ce thème du sauvage, c'est sa fonction d'intelligibilité pour l'homme en général. C'est-à-dire qu'il va en faire quelque chose qui, je crois, à nouveau, c'est une clé anthropologique. Il va, de façon non pas idéale, mais idéelle, penser cet homme comme incarnant l'homme de la nature, du pur état de nature. Ce qui peut être, insiste Rousseau dans la préface du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qu'on appelle plus brièvement second discours, qui peut-être n'a jamais historiquement existé. C'est une pure hypothèse, un état hypothétique dont on a besoin, parce qu'on a besoin d'une clé d'intelligibilité. Oui, ce n'est pas vérifiable sur le terrain. Ce n'est pas vérifiable. Et empiriquement, bon, la science préhistorique, évidemment, attendra encore longtemps, un boucher de perte, le 19e siècle, la paléoanthropologie, la préhistoire humaine, pour se constituer. Et au 18e siècle, on en est réduit à des hypothèses. Donc on ne sait absolument pas s'il y a eu un homme, effectivement, préhistorique, comme on l'entendra après. On n'en sait absolument rien. Tout ce que l'on voit, c'est des sauvages réels. Des sauvages que l'on rencontre en Amérique, que l'on rencontre Amérique du Nord, au Canada, aux actuels États-Unis, au Brésil, aux Caraïbes, dans les Caraïbes qui sont les Antilles, qui sont très très importantes. Et puis, nouveau choc là, mais un peu plus attendu, beaucoup plus soft, hein, qui n'est pas tout à fait l'équivalent quand même, l'Océanie. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est la découverte de l'Océanie et d'un nouveau paradis, où alors le thème du bon sauvage va vraiment prendre racine. C'est le voyage de Bougainville qui va fixer cela. Hein, et c'est le supplément au voyage de Bougainville que va rédiger Diderot juste après, en 72, hein, qui ne sera pas publié tout de suite, mais il sera rédigé juste après, donc le voyage de Bougainville de 71, où il ramène un Tahitien qui va faire un succès mondain extraordinaire à Paris et qui va montrer à quel point il peut y avoir effectivement une humanité qui est comment, pure de toute empreinte du péché originel. Parce que ça, c'est fondamental. C'est une vraie machine de guerre, hein, le bon sauvage au XVIIIe siècle. Il y a une idéalisation, c'est machine vrai. De guerre contre qui ? Contre le christianisme. Voilà. Ouais. Contre la religion. Machine de guerre contre la société. C'est le thème égalitariste, l'absence de la propriété. L'absence de guerre d'appropriation, de guerre vénale. Effectivement, Montaigne déjà y insiste. Hein. Ce sont des guerres de pur prestige. C'est-à-dire des guerres qui ont un caractère beaucoup plus noble, beaucoup plus grec, beaucoup plus romain. Même si chez les Romains, il y a quand même une appropriation manifeste. Et donc, il y a une humanité possible qui soit innocente, qui soit heureuse, qui soit rayonnante d'une bonté, d'une simplicité native, diamantine, et cela sans le christianisme. Alors là, il y a une ambiguïté, parce qu'en même temps, c'est bien la figure de l'homme adamique. C'est les deux à la fois. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, les matérialistes particulièrement, bien entendu, vont réinvestir cela et vont en faire une machine de guerre antichrétienne. Cette fonction polémique, l'idéalisation, la fonction d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme en lui-même, tel que la nature l'a fait, voilà, ça c'est, je crois, l'apport spécifique de Rousseau. Et donc, il y a là une simplicité, c'est vrai, une simplicité voulue, recherchée, quasi mathématique, voilà, l'intelligibilité de l'homme au départ, avant tout ce que la culture en a fait. C'est-à-dire une sorte d'animal humain, amour de soi, pitié, voilà, les deux dispositions fondamentales en lui. Et la culture va le modifier parce qu'il y a la perfectibilité. C'est-à-dire que c'est une sorte d'animal humain qui n'est pas un animal, qui a quelque chose en plus, selon Rousseau, qui est la perfectibilité. C'est-à-dire la capacité précisément de dépasser cet état animal d'origine et de se définir comme être de culture. Et enfin, il y a un quatrième pôle, excusez-moi. Je ne lâche pas le micro parce que Rousseau, c'est un petit morceau. On ne peut pas dégager comme ça. Et il y a une quatrième chose, ce sont les sauvages réels. Et ce que fait Rousseau, je crois, de très précieux, c'est qu'il distingue les problèmes et qu'il distingue bien les sauvages réels tels qu'ils sont et qui sont des êtres de culture, insiste-t-il, alors qu'il y a toujours ce fantasme, c'est l'être de la pure naturalité. Et le sauvage idéal qu'il forge et qui est un être de raison et qui est l'homme tel qu'il a émergé de la pure nature mais qui peut-être n'a jamais eu d'existence historique. Et donc, la science de l'homme est déjà prête et elle pourra se fonder au XIXe siècle. Les sauvages réels sont à considérer de façon positive tels qu'ils sont. Et alors là, alors que l'homme de la pure nature, du pur état de nature, c'est l'universel humain, là, par contre, avec le sauvage réel, c'est toute la diversité. Et donc, les contradictions que vous constatiez, à juste titre, entre, d'une part, cette positivité de la figure du sauvage, qui est la figure idéale de l'homme bon, etc., et d'un autre côté... Le côté répugnant. Oui, c'est très répugnant, ce côté ignoble que les Hottentots, en particulier, vont vraiment incarner. Hein, c'est vraiment la figure repoussoire. Hein, Voltaire, Buffon, Sade, Diderot, Sade, effectivement. Et ils sont très, très méchants. Il y a Rousseau les moins, ça c'est sûr. Et donc, cette bipolarité, eh bien, elle va pouvoir être comprise. Elle va pouvoir se déployer dans un espace théorique, puisque ce sont des cultures et qu'il y a une diversité culturelle. C'est le retour de la particularité, cette fois-ci, par rapport, donc, qui fait contraste avec l'universalité mathématique simplifiée de l'homme de la pure nature. Alors, Jean-Luc Guichet, je vous propose qu'on fasse, puisqu'on est là au XVIIIe siècle, un tout petit retour en arrière pour introduire Lionel Larrey dans notre débat. Vous êtes toujours avec nous depuis Bordeaux, Lionel Larrey. Oui, j'écoute, c'est passionnant. Alors, justement, avec vous, on va revenir aux origines du contact avec les Américains, puisque vous êtes américaniste et dans le recueil de textes La fabrique du sauvage, on voit apparaître quelque chose qui est très intéressant, qui est une approche chrétienne, mais puritaine, celle donc des pèlerins du Mayflower et les suivants, les Bostoniens, qui alors voient dans ces sauvages, non pas des gens foncièrement méchants, mais des gens en proie à une vie effroyable. La wilderness, ils vivent dans l'état sauvage, et alors là, l'état sauvage est vu sous ses aspects les plus négatifs, les plus affreux. Oui, alors tout à fait. Ce qui est intéressant avec le cas américain, et notamment avec l'Amérique du Nord, c'est que finalement, toutes les problématiques et la complexité dont vient de parler Jean-Luc Guichet est quelque part remise un petit peu à plat, et on recommence tout. C'est-à-dire que les premiers, pas les premiers colons, mais en tout cas parmi les premiers à définir le sauvage et à le représenter, ce sont effectivement donc les pères pèlerins, par exemple, avec notamment William Bradford, qui est l'un d'eux et qui deviendra le gouverneur de la colonie fondée par les pères pèlerins et qui écrira une histoire à Plymouth, de cette donc, colonie. Oui. Exactement, tout à fait. Et alors lui, effectivement, donc c'était un homme religieux, évidemment, et donc il décrit tout d'abord cette nouvelle nature comme une wilderness, et alors ça a à l'époque un sens très négatif, c'est-à-dire qu'à l'époque wilderness dans la Bible, dans la version anglaise de la Bible, la wilderness en fait, paradoxalement, c'est un désert, c'est le désert de l'errance, c'est le désert dans lequel les hommes vont errer jusqu'à ce qu'ils puissent se faire se racheter aux yeux de Dieu afin qu'il les mène vers la terre promise. Et donc évidemment, dans l'histoire des pères pèlerins, eh bien, la terre promise, ce sera évidemment ce nouveau continent, mais pour que ce nouveau continent soit racheté en quelque sorte, il faut donc le civiliser. Et donc il faut apprivoiser, il faut dompter la wilderness, cette nature angoissante, sauvage. Parce que ce qui est frappant dans les écrits des pères pèlerins, c'est justement quelque chose qu'on ne voit pas tellement à la Renaissance, c'est cette tonalité d'angoisse. Pourtant, il s'agit de bons sauvages. Alors là, on a une autre forme d'incohérence, puisque ces sauvages, les Indiens que les pères pèlerins ont autour d'eux, sont quand même des gens assez gentils, qui leur donnent de la nourriture. Ils ne sont pas en butte à des hostilités très évidentes. Et pourtant, il y a un sentiment d'angoisse. Ces gens sont en proie à cette nature sauvage. Et là, on n'est plus dans le bon sauvage. Enfin, on est dans le bon sauvage, mais entouré de forces inquiétante. Tout à fait, mais il y avait de quoi s'angoisser. Il y avait eu des aventures auparavant, donc les pères pèlerins, c'est 1620, mais il y avait eu déjà en 1585 une première aventure qui a totalement échoué, et il y a eu 1607, le fameux John Smith et ses compagnons qui fondent Jamestown et qui vivent une aventure très très difficile et qui vont même jusqu'à être ensauvagés par cet environnement. C'est-à-dire que la première année, le premier hiver est tellement difficile que ces hommes civilisés se rabaissent à un état quasi sauvage. Et donc, il y avait la croyance que cette nature difficile à appréhender quand même pour ces hommes-là, cette nature-là pouvait ensauvager l'homme civilisé. C'est ça, c'est une forme de... C'est une régression, donc. Tout c'est à la fait. Peur de la régression. Ouais. Tout à fait. Bradford écrit dans un extrait très significatif quand il retrace les craintes et les angoisses de ses compagnons avant le départ. Il dit que certains, ceux qui étaient réticents au voyage, exprimaient la peur d'être contaminé par un air, simplement l'air de ce nouveau continent qui les rendrait malades, par exemple. Et donc, ces angoisses-là sont très, très réelles. Et donc, cette nouvelle terre est colonisée avec cette crainte-là. Et donc, si la nature est sauvage, est angoissante, si elle est inhospitalière, eh bien, il y a évidemment la peur de l'habitant de cette nature sauvage. Si l'habitat est sauvage, l'habitant l'est aussi. Et les premières descriptions de Bradford, c'est une terre hideuse et désolée, peuplée d'animaux sauvages et d'hommes sauvages, c'est-à-dire que de bêtes sauvages, pardon, de wild beasts, c'est-à-dire que les hommes et les animaux sont mis au même plan. Et donc, il va falloir s'en méfier et les apprivoiser. Et effectivement, les premiers contacts sont plutôt sympathiques. Cela se passe bien et même, dans bien des cas, cela se passe bien grâce aux Indiens locaux. Généalogie du bon sauvage. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Franck Lestringant, Lionel Larrey, Jean-Luc Guichet. Et nous allons maintenant à nouveau du côté de Rousseau avec vous, Jean-Luc Guichet, puisque c'est un peu notre personnage central aujourd'hui. On célèbre ce tricentenaire de Rousseau. Alors, on a compris, d'après ce que vous avez tous dit, qu'il y a une espèce de balancement. Enfin, on a l'impression que la pensée occidentale confrontée au sauvage, entre guillemets, elle est faite d'une espèce de puzzle et que les pièces du puzzle ne raccordent pas. Et les Lumières, donc vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, ont, elles, choisi, pour des raisons alors presque stratégiques, de mettre l'accent sur l'aspect bon sauvage. Oui, pour des raisons tout à fait stratégiques, c'est-à-dire pour l'efficacité critique de cette figure. On le voit bien, par exemple, avec l'Ingénu de Voltaire, où le Huron dont il est question a très très peu d'épaisseur ethnologique, disons. C'est un Indien de papier qui a pour essentielle fonction de critiquer les mœurs. Ce que nous sommes. De critiquer les formes sociales, tous les préjugés, les conformismes, notamment en matière sexuelle, dont les auteurs et les lecteurs du XVIIIe siècle sont très très friands, ce qui explique le succès tout de même de Tahiti. Hein. Et donc, et c'était déjà d'ailleurs, Voltaire se met dans la lignée déjà de toute une tradition de discours. Le baron de La Hontan en 1703, notamment, c'est très très important. Hein. Dialogue avec un sauvage. Curieux, voilà. Oui. Et édifiant, je crois. pas édifiant, curieux, mais je ne crois pas édifiant pour autant que je me souvienne, parce que le titre a changé. Hein. Il y a eu plusieurs éditions, donc l'édition première étant de 1703. C'est un peu le principe du persan de. Oui, les lettres persanes, effectivement, tout à fait. Hein, ce sont vraiment sur commande. Mais alors on voit bien le parti pris, parce que si on prend le Huron, par exemple, le Huron qui est du groupe des Iroquois, on a quand même à la même époque, et c'est tout à fait accessible à nos philosophes, les chroniques des jésuites, qui eux-mêmes disent c'est quand même extraordinaire, ces Hurons, ces Iroquois, ils sont merveilleux parce qu'ils partagent tout, ils pratiquent les vertus chrétiennes, mais quand même, ils torturent les gens, mais quand même, ils mangent des hommes, mais quand même, ils sont d'une cruauté. Alors ça, Voltaire a zappé. Et tout d'un coup, on se retrouve avec un Huron qui est un être absolument charmant et qui n'a finalement que des qualités. C'est un mondain avec une belle... avec des beaux atours d'Indiens. On voit bien comment ces récits de voyage, ces constatations ont été instrumentalisées, mais de manière consciente ou inconsciente De manière très consciente. Hein, c'est-à-dire que par ailleurs, Voltaire n'a pas une haute idée du sauvage réel. Tout au contraire, il considère que c'est la nature hideuse. Et dans Candide, il confond un peu les singes et les sauvages. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un partisan. Il y a un épisode très caractéristique dans Candide, hein, où on voit des jeunes filles poursuivies par des singes, et on voit bien qu'il ne fait pas tellement de différence entre un singe et un sauvage. Oui. Voltaire est polygéniste, par ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas la même origine entre nous, européens, bien civilisés, et puis les Indiens et les sauvages. Donc il n'a pas du tout une haute idée. Hein. C'est vraiment un investissement tout à fait voulu, tout à fait stratégique, comme vous le disiez. Alors, comment expliquer maintenant cette autre face du sauvage? Pas le bon sauvage, mais justement le sauvage hideux, le sauvage dont Darwin encore s'offusquera quand il rencontrera les Indiens, les Fuégiens de la Terre de Feu. Et donc il tombera des nues en se disant « c'est pas possible que l'humanité puisse être dans un état pareil, puisse offrir un tel visage ». Comment articuler les deux? Alors là, les théories vont se multiplier, effectivement. Donc il y a les théories polygénistes et puis il y a aussi les théories climatiques. Tout à l'heure, en fait, avec l'Amérique, parce que l'Amérique est vraiment investie de ces théories climatiques, que l'on va trouver tout le long du XVIIIe siècle, la théorie des climats, qui est d'origine hippocratique, ça remonte au traité des airs, des eaux, etc., qui, donc chez Hippocrate, déjà, il y a l'idée que la santé est déterminée, les états humains, les humeurs, hein, comme dira Galien, hein, sont déterminés par les états de l'air et aussi de la terre, etc. La notion de climat, surtout au XVIIIe siècle, est très très large. Hein. Et pour les Amériques, précisément, il y a Cornelius de Pau, qui en 1768 rédige, donc publie les réflexions philosophiques sur les Américains, et où il va incriminer le climat, où il pense qu'il y a une sorte de stérilité native de la terre américaine, de l'air américain, et qu'il y a une sorte de malédiction, mais naturelle, hein, qui pèse sur ces latitudes, et que donc tout est dégénéré. Alors il se met dans la ligne de Buffon, hein, qui pensait qu'il y avait une dégénération, effectivement, déjà, et non pas seulement pour les animaux, parce qu'il prévoit cela pour les animaux, mais aussi pour les hommes. Donc voilà, donc c'est la faute au climat, en gros. Montesquieu, bien sûr, avait revivifié et appliqué à l'histoire et à la politique cette théorie des climats, donc avec l'esprit des lois. Hein. Déjà chez Bodin à la Renaissance. Hein. Oui, c'est vrai, dont on retrouve les rebonds régulièrement, et puis chez Dubot, qui en esthétique donc, va appliquer aux arts, hein, c'est pour, bien sûr pour la gloire en fait, de l'art occidental européen. Alors, de quelle manière Jean-Jacques Rousseau, qui est cher à votre cœur, Jean-Luc Guichet, va-t-il nourrir le débat, l'enrichir, le faire avancer? Alors, Rousseau, cher à mon cœur, bien sûr, mais aussi, je crois, philosophiquement, très, très précieux, parce qu'il clarifie, encore une fois, donc, ce débat. Il montre bien, d'un côté, donc, par sa figure du sauvage idéal, qu'il y a quelque chose à penser en l'homme d'originaire, qu'il faut retrouver en lui la trame première de la nature, qui n'a jamais peut-être existé telle qu'elle, puisque sur cette trame, le canevas, donc sur ce canevas naturel, eh bien, est venu donc après toutes les complications des cultures, sont venues toutes ces complications, bien sûr, donc il y a eu cette complication qui est advenue, mais on peut retrouver ces fils, cette trame fondamentale, ce canevas fondamental de la nature, grâce à cette figure du sauvage idéal, du sauvage intelligible, qui est l'homme intelligible et universel. Donc encore une fois, l'amour de soi, la pitié. Alors, précisons. L'amour de soi et la pitié, c'est-à-dire simplement ce qu'on appelle maintenant l'instinct de conservation, qui n'est pas surinvesti par l'amour propre, par un désir d'opinion, un désir d'image de soi aux yeux des autres, qui n'est pas non plus taraudé par le désir d'appropriation, qui est limité, borné, comme chez les animaux en général. Donc une espèce de vitalité. De vitalité, absolument, c'est ça. Un peu le Conatus de Spinoza. Mais les abus éventuels de cet amour de soi sont d'un autre côté freinés par la pitié. C'est-à-dire, non pas la pitié au sens de vertu, hein, au sens de compassion, mais au sens de répugnance, c'est le mot qu'utilise Rousseau dans le discours sur l'origine des inégalités, de répugnance devant le spectacle de la souffrance d'autrui dont je ne peux pas absolument me désinvestir et m'arracher. Parce qu'il y a une sorte d'empathie spontanée, naturelle, qui m'associe au sort d'autrui, qui fait que je ne peux pas dissocier clairement, nettement, les frontières qui séparent moi et l'autre, et qu'à un niveau profond, on dirait maintenant inconscient, eh bien, pour moi, c'est la même chose. Donc, je souffre de la souffrance d'autrui naturellement. Alors, il y a quand même, parce que Rousseau est extrêmement nuancé, un élément d'expérience. Il faut soi-même, il le précise dans l'Émile, avoir vécu la souffrance, la douleur, savoir ce que c'est. Et qu'il faut aussi un certain développement de l'imagination. Donc, c'est quelque chose qui, à la fois, est inné, natif, et qui, en même temps, a besoin tout de même, comme les instincts chez beaucoup d'animaux, qui a tout de même besoin d'un élément d'expérience pour s'activer, pour prendre forme. Donc, si j'ai bien compris, Jean-Luc Guichet, on ne peut pas faire une équivalence entre état de nature et bon sauvage. Rousseau n'endosse pas l'idée du bon sauvage. Rousseau n'endosse pas l'idée du bon sauvage. Qui le précède, en quelque sorte. Et même de l'Antiquité. Il la marginalise, en quelque sorte, dans sa réflexion, cette idée-là. Alors, pas tout à fait non plus. C'est-à-dire, il réinvestit parce encore qu'il dit une fois. Quand même, l'homme est naturellement bon. Oui. Mais, cette phrase, oui, du second discours. Oui, alors. Mais voilà, justement, les hommes sont méchants, une triste et continuelle expérience dispense de la preuve. Cependant, l'homme est naturellement bon, je crois l'avoir démontré. Voilà. Alors, cette bonté naturelle, c'est justement pas la bonté morale. Ouais. C'est justement une bonté, c'est celle de l'amour de soi, de la pitié et de cet équilibre entre les deux. L'amour de soi règle le rapport à soi. C'est vital, effectivement. On a absolument besoin de s'aimer soi-même, c'est-à-dire de cette auto-affirmation pour pouvoir exister et survivre. Et en même temps, la pitié pitié règle le rapport à autrui. Il y a équilibre naturel entre cette disposition du rapport à soi, qui est l'amour de soi, et cette disposition du rapport à autrui, qui est la pitié. Il y a un équilibre qui est le signal, qui est le signe que la nature est bien faite, en gros. C'est une idée pour Rousseau, c'est la bonté de la nature. L'homme bon, le bon sauvage, c'est plus la bonne nature en l'homme que la bonté humaine en l'homme. C'est-à-dire, c'est la marque de la nature, d'être un système de force équilibré. Et qui, donc, permet la survie de toutes les espèces animales et de la biosphère en général, comme on dirait maintenant. Mais ce n'est pas une bonté au sens, donc, que l'on peut prêter à ce terme, c'est-à-dire une bonté intentionnelle, une bonté d'ordre moral. Généalogie du bon sauvage. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Alors je voudrais maintenant donner la parole, puisqu'on a beaucoup parlé du monde américain, des mondes américains, à Lionel Larrey, parce que vous abordez cette question du bon sauvage à travers le regard des voyageurs ou des colons nord-américains. Donc dans votre recueil de textes, La fabrique du sauvage, c'est ça que vous regardez. On retrouve à l'œuvre, puisque vous parcourez allègrement donc tous les siècles de regard sur l'Amérique, donc à partir, alors puisqu'on est en Amérique du Nord, ça commence plutôt au 16e siècle, vous constatez cette espèce de bipolarité du regard, et notamment, alors ça commence par un personnage qu'on connaît pas tellement sous cet angle, c'est Benjamin Franklin. Oui, alors en Amérique comme en Europe, quand on décrit le sauvage, le bon sauvage, on parle en fait beaucoup plus des déficiences des Européens que des sauvages entre guillemets eux-mêmes. Et quand on parle du sauvage de façon négative, c'est pour justifier des politiques coloniales tout d'abord, puis états-uniennes. Et Franklin, alors c'est pas le premier à faire ça, mais c'est une figure évidemment très importante. Donc c'est Christian Lerat qui, dans l'ouvrage que j'ai co-dirigé, fait une analyse de cette ambiguïté de Benjamin Franklin. Il parle de fascination-répulsion, et effectivement Franklin, dans certains textes, va dépeindre l'ignoble sauvage. Et alors en général, ce sera quand il faudra justifier de le chasser de ses terres et de s'emparer de ses territoires. Tout à fait. Soit de le chasser de ses terres, soit de sécuriser, justifier la sécurisation des colonies, puisque la présence des Indiens, pas forcément du fait des Indiens, mais parfois du fait des colons, était source de violence. Il fallait aussi le dépeindre de façon très négative, comme un chasseur et un chasseur uniquement. Et ça, c'est très important, parce que ça va parcourir le 19e siècle. Ah ben ça va rejoindre Rousseau, ça, oui. Alors ça va parcourir, tout à fait, alors, mais peut-être pas aux mêmes fins. C'est-à-dire que Jefferson va aussi beaucoup instrumentaliser l'image de l'Indien comme chasseur, alors que les Indiens étaient également agriculteurs, et ils le savaient, les colons le savaient. Mais le dépeindre comme un chasseur uniquement, ça permettait de dire, regardez ces sauvages qui gaspille la terre, parce qu'évidemment le chasseur a besoin de larges et de vastes territoires, sans limite, alors que si on le transformait en bon fermier, eh bien on pourrait lui apprendre à utiliser la terre de façon plus rentable, et donc à faire plus de place pour les colons d'abord, puis pour les États-Unis, parce que c'est vraiment une politique, ça, mise en place par Washington, Jefferson, et ensuite dans tout le 19e siècle. C'est ce qui va justifier en fait ce que l'on appellera plus tard l'assimilation des Indiens, c'est-à-dire leur transformation en bons fermiers américains. Mais pour revenir à Franklin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va également, et c'est ce que Christian Lerat montre très bien, il va également dépeindre des sauvages, des bons sauvages, là encore, pour justifier un propos tout autre. Et notamment, l'exemple le plus parlant, je crois, c'est quand il met en valeur la Confédération. Excusez-moi, la Confédération iroquoise, par exemple, qu'il prend comme un modèle d'une confédération possible pour les colonies. Et le moment où il écrit ce texte, c'est en 1754, c'est le moment de la guerre, alors ce qu'on appelle aux États-Unis ou en Amérique la French and Indian Wars, qui est en fait la guerre de 7 ans en Europe, c'est-à-dire une guerre qui confronte les Anglais avec les Indiens qui leur sont alliés contre les Français et leurs alliés indiens. Et Franklin argue du fait que si les colonies restent divisées, elles sont vouées à l'échec et à la défaite. Pour vaincre, eh bien, il faut s'unir. Et il donne en exemple le modèle de la Confédération iroquoise. Et donc là, il vante les mérites du Bon Sauvage. Alors le Bon Sauvage, au fond, comme modèle démocratique qui va inspirer la Constitution des États-Unis, c'est ce qu'on a prétendu que il y avait eu une légère influence. Tout à fait, en l'occurrence c'est tout à fait ça, même si là Franklin à l'époque, en 1754, n'est pas encore indépendantiste. Il est encore pour l'Empire britannique et pour préserver l'emprise britannique en Amérique contre les Français. Mais plus tard, effectivement, certains diront que la constitution iroquoise en fait aura plus... au moins aura été une des inspirations de la Constitution américaine, ce qui a été officiellement reconnu par acte du Congrès en 1988. Alors on va voir au cours du 19e siècle aussi ce balancement qu'on a noté presque à toutes les époques, puisqu'on va avoir d'un côté le message de Fenimore Cooper qui nous présente le noble indien et qui, dans Les Pionniers, l'un de ses romans de la fin de la saga de Bas de Cuir, dans Les Pionniers, il nous montre vraiment les colons comme des sales types face aux nobles sauvages. Les colons sont d'une rapacité incroyable. Alors ça, c'est le versant Bon Sauvage de Fenimore Cooper. Puis on va avoir aussi toute la propagande américaine qui va nous dire que les Indiens sont des cruels, sont des d'atroces personnages et que c'est très bien finalement qu'on les repousse. Donc on est là encore dans cette espèce de schizophrénie dans l'histoire de tout le 19e américain. Ah oui, tout à fait. La schizophrénie est toujours là. Et là encore, c'est pour justifier des politiques. C'est-à-dire que si le sauvage veut demeurer sauvage et ne refuse la civilisation, eh bien alors il va falloir qu'il accepte d'être repoussé vers l'Ouest. Et là encore, la politique est initiée, en tout cas en théorie, par Jefferson, mais sera mise en pratique dans les années 1830 par Andrew Jackson, qui va faire voter ce qu'on appelle le Removal Act. Removal, c'est soit déplacement, soit déportation, selon la connotation qu'on veut lui donner. Mais concrètement, c'est le déplacement des tribus au-delà du Mississippi, dans un territoire que l'on appelle territoire indien et que l'on garantit éternellement aux Indiens. Généalogie du Bon Sauvage, on arrive à la fin de cette émission. Nos invités ont tous encore beaucoup de choses à dire. Il va falloir lire vos livres aux uns et aux autres, et notamment lire le fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, que nous mettons en ligne sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde, ainsi que la liste des ouvrages de Jean-Luc Guichet, de Lionel Larré et de Franck Lestringant, une invitation aussi à regarder du côté de l'année Rousseau. Beaucoup d'informations donc sur notre site franceculture.com. Finalement, un dernier mot, Jean-Luc Guichet, mais on a prouvé que cette ambiguïté subsiste jusqu'à aujourd'hui. Est-il bon, est-il méchant? Nous n'aurons pas de réponse à cette question. Il propose une réponse culturelle, hein, Rousseau, pour les sauvages réels. C'est-à-dire les sauvages tels qu'on les trouve effectivement, c'est la diversité des cultures. Et donc c'est pas tant les climats que les modes matériels d'existence et presque de façon matérialiste, les économies qui décide des mentalités. Ainsi, c'est les cultures de chasse qui sont cruelles, qui rendent les hommes cruels et qui génèrent, après des empires, les sociétés pastorales, très valorisées par Rousseau, où il y a un rapport de douceur, de soin à autrui, qui informe la relation humaine en général. Voilà, il faut donc relire Rousseau, il faut aussi relire Le Brésil d'André Thévet, que vous publiez, Franck Lestringant, aux éditions Chandaigne, et les livres dont nous donnons la liste sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde. Voilà, on quitte Le Bon Sauvage. Nous étions en compagnie de Philippe Mercher pour la prise de son, de Françoise Camard pour la réalisation. Merci à Jean-Luc Guichel, Lionel Larré et Franck Lestringant, Tout un monde. Chaque mardi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Et sur France Culture, le voyage continue dans quelques instants avec Marie Richeux, Pas la peine de crier.